toi de décider. Le soleil se levait sur les collines laurentiennes lorsque deux silhouettes émergèrent de la base souterraine. Parmi les volutes de fumée rance qui s'échappaient des portes creusées à même le roc, Amélie transportait Hans sur ses épaules. Elle plissa des yeux, aveuglée d'abord par les lueurs du matin, ensuite par le brasier qui était devenu l'hélicoptère, sa carcasse enflammée rugissant dans l'aube. Amélie n'en avait plus rien à faire. Elle persévéra. Son visage était couvert de suie, de coulisses de sueur, sa camisole tachetée d'huile hydraulique et de sang. Mais elle gravissait la pente, inlassablement, pas à pas. La forêt se dressait tout autour, les herbes jaunes, les collines parsemées d'épinettes noires, rabougries, un lac bleuté miroitant à travers les troncs. Amélie choisit un talus de sphaigne à l'ombre d'un sapin pour y déposer Hans. Elle l'allongea doucement, s'agenouilla près de lui. C'est alors qu'elle aperçut une forme inerte dans les herbes folles. Le cadavre du pilote, face contre le sol, trois flèches plantées dans le dos. À côté de la dépouille flottait un drapeau noir, bricolé avec une branche de bouleau et un haillon déchiré, comme pour signaler que la base était conquise. Là, des ombres furtives entre les arbres, menaçantes. Instinctivement, Amélie plaça une main sur le pistolet à sa ceinture, mais Hans, qui avait repris conscience, plaça une main tremblante sur la sienne pour l'arrêter. Il avait le visage boursouflé, un œil fermé par l'enflure, de vilaines coupures aux lèvres. Malgré la douleur, il tentait de scruter les alentours, d'évaluer la situation. Avec certitude, il leva un bras chétif dans les airs, signalant aux rôdeurs du bout des doigts. « Merci, » murmura-t-il, la voix éraillée. « Amélie, c'est bien ça? » Amélie hocha la tête silencieusement, honteuse. Elle allait parler, voulait s'excuser de tout, n'était pas capable de trouver les mots, savait que ça ne suffisait pas. Elle comptait les secondes. La fin était certainement proche. Des figures émergeaient peu à peu aux alentours, surgissant de nulle part. Une demi-douzaine, hommes et femmes, vêtus de loques, la peau dorée par le soleil, visage peint, armés jusqu'aux dents. Arcs, arbalètes, machettes et autres armes de fortune. Des vagabonds. L'une d'entre eux marcha jusqu'à Hans et Amélie, ses bottes foulant la terre agilement, de longues tresses retombant sur son manteau en peau de chevreuil. Amélie ne tentait pas de se défendre, convaincue d'appartenir au vieux monde et de devoir crever avec lui. Le coup de grâce allait venir et ce serait fini, comme ça. Mais la vagabonde souriait, les pommettes saillantes, un sourire comme le soleil levant. « Qu'est-ce que... » lança Hans avec soulagement. « Juste à temps, » ricana l'autre. « On va s'occuper de toi rapidement. Personne ne veut traîner ici encore longtemps. » Mais on a réussi, tu sais. Le réseau d'électricité est en miettes. Shit, Hans, j'y aurais pas cru. Chiske jeta un coup d'œil accusateur à Amélie, lorgnant le logo de la Hope Sec avec dédain. J'y crois toujours pas, ajouta-t-elle. Mais plutôt que de fuir son regard, Amélie le lui retourna, franchement, malgré le regret. Maintenant qu'elle n'avait plus rien à perdre, il n'était plus question de se cacher, de faire semblant. Plus jamais. « Eh !» soupira Hans. « On peut pas tout prévoir. »« Repose-toi, » conseilla Chiske. « On te bricole une civière. Je reviens. » Sans attendre, la vagabonde alla rejoindre les siens, qui s'affairait déjà d'une habileté remarquable avec des branches mortes et des cordes. Amélie profita du fait qu'ils étaient seuls à nouveau. J'ai l'impression de me réveiller d'un coma, ajouta-t-elle. Je sais pas comment m'excuser. Tout ce que j'ai fait, y a pas moyen. Vous devriez me laisser crever ici. Toute la planète va vouloir ma tête de toute façon. J'ai plus ma place nulle part. Hans haussa les épaules. Il est jamais trop tard, murmura-t-il, pour faire la bonne chose. Mais maintenant, osa Amélie. Pendant que tout s'écroule, qu'est-ce qui va se passer au juste? Un rire s'échappa de la gorge sèche de Hans. Tu sais, dit-il, j'en ai aucune espèce d'idée. Il reste sûrement 1 million de choses à faire, de trucs à saboter, de graines à planter. Mais mon plan, notre plan, s'arrête ici. Une partie de la civilisation s'effondre, tant mieux. Notre cauchemar est terminé. Le leur commence à peine. Ça risque d'être brutal. Reste plus qu'à vivre. Amélie hocha la tête, ruminant ce dernier mot en scrutant les alentours, dubitative. Vivre. Comme le monde semblait différent maintenant, intrigant, simultanément sauvage et sensible. Plus rien derrière et l'inconnu devant, mais au lieu de la peur, Amélie y voyait quelque chose de serein, quelque chose de sain. Pendant qu'ils discutaient, les rayons du soleil percèrent à travers la forêt, avec leur chaleur réconfortante. « Et tu peux aussi, » osa Hans. « Ma sœur, mes camarades, tous les gens que j'aime sont éparpillés à travers la province, et dans ce chaos total, ce sera difficile de les retrouver. Mais c'est tout le sens qui me reste, et tu pourrais m'aider. » Si tu veux. Amélie le dévisagea, surprise et douloureusement consciente de son propre passé. Tous ses souvenirs, ce n'étaient que ceux d'une étrangère. C'étaient bel et bien les siens. Tout le malheur qu'elle avait causé, la mort, la prison. Qui pourrait réellement lui pardonner ça? Les yeux d'Amélie se brouillèrent de larmes. « Tu voudrais de moi ?» demanda-t-elle, émue. « Après tout ce que j'ai fait ?» Hans leva une main tremblante, trouva celle d'Amélie, la serra. « On a tous été esclaves, » murmura-t-il. Et Amélie retourna sa poigne, aussi fort qu'elle le put. « Maintenant ?» dit Hans. C'est à toi de décider. M9A, Il ne reste plus que les monstres, de Bruno Massé, lu par Caroline Doyon. Musique de Mathieu Bélanger-Landry. Technique et production, Catherine Lemieux-Lefebvre. L'équipe de production aimerait remercier toutes les personnes qui ont appuyé le projet.